Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. You know what's new, let's go on the way, so wait. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez vos instruments maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30, pour partir à la découverte du meilleur de la musique indépendante, du meilleur de la musique alternative. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 mai. C'est l'épisode numéro 372 de Planète Indie. Bah oui, ça monte tout doucement, hein, lentement mais sûrement. On arrivera peut-être un jour à l'épisode 500, voire à l'épisode 1000, qui sait. On n'y est pas encore, c'est pas pour tout de suite. On en reparlera peut-être si on est encore là à ce moment-là. On fera certainement quelque chose de spécial. Au programme d'aujourd'hui, eh bien, pas mal de bonnes choses, pas mal de nouveautés, évidemment. Quoi vous citer pour vous mettre l'eau à la bouche, on écoutera High Road Number 28, Tim Houlihan, Ashira, Courtney Yasmine et bien d'autres, vous allez voir. Pour l'heure, je vous propose de commencer avec, je ne vais pas dire un vieux de la vieille, mais un habitué de cette émission, puisqu'il était déjà présent avec son ancien groupe qui s'appelait Rigel. Il a lancé son premier album solo qui s'intitule Life in a Cold Frame. Je veux bien entendu parler de Robert Buchinski, qui est originaire de la région de Boston. D'ailleurs, on le salue s'il nous écoute. On ne sait jamais. Et on va écouter donc un morceau qui s'intitule The Year That Never Ends. Et après cela, eh bien, on écoutera Jupiter in Velvet avec un extrait de son dernier album en date aussi. L'album s'intitule The World Didn't Start With You. Et le morceau que j'ai choisi de vous passer s'appelle Everything, The Everything and The Nothing. Bon début de soirée à notre compagnie, restez bien branchés, nous sommes ensemble jusque 18h30. By the earliest light, awakened to the sound of the survivor's plight. The experiment will be the ultimate test, a test of strength and halls all the oppressed. When you passed through the gates, you instantly fell captive. You swore just 1 year would be all you would give. But that year turned into something more, as your pride prevents you from seeking the door. You've had enough, but you're hanging tough in the year that never ends. You'll blame yourself, you'll find no help. It's the year that never ends. So much, yet you stand there accused. You're tattered and torn, and you're battered and bruised. One more day, you'll think you'll go insane as you count down the days till you unshackle these chains. You've seen enough, you'll show who's tough in the year the year that never ends. And safely look back. The years come and gone, and you're completely intact. What you learned is invaluable. To be still will while still detachable. You've had enough, you're hanging tough. In the year that never ends, you'll blame yourself, you'll find no help. It's the year that never ends. You've seen enough, you'll show who's tough. In the year that never ends, don't blame yourself, you'll find no help. It's the year that never ends. Hey, what's up? This is Jupiter and Velvet coming at ya on Planet. gravity of mortal lives. Is that come to realize? Yeah. Voilà, on a commencé cette émission en force. Je vous rappelle le nom des deux premiers artistes qui sont venus titiller vos oreilles. On a commencé avec Robert Buczynski, The Year That Never Ends, et puis à l'instant Jupiter in Velvet. On ne sait trop s'il est américain ou anglais. Il est assez mystérieux comme artiste. Jupiter in Velvet avec the Everything and the Working. On poursuit avec la véritable première nouveauté pour aujourd'hui. Nouveauté dans le sens où c'est un morceau qu'on a et un artiste qu'on n'a encore jamais entendu dans cette émission. Il s'appelle High Road No. 28. Le morceau s'intitule A Ghost I Made. Je vous laisse juger par vous-même. Et puis après cela, on écoutera Tim Hoolihan, Some Kind of Mystery. Dreamers of an afternoon. again. My soul aches for a dream. I tried to fill that void through love's ecstasy. What I thought was true was a ghost I made, like a bleak suicide. And the beauty that decays, decays, decays. We'll be right back. the cow, don't eat the cow. Don't eat the cow, don't eat the cow. Don't eat the cow, don't eat the cow. She's not the good for you. She's not the good for me. She's not the good for you. Can't you see? She's not the good for you. Don't let me see you cheat. She's not the good for you. She's a bad meat. Sacred cow, I want you now. I need you in my casserole. India, Australia, the poison just to keep a picking me. Don't eat the cow, don't eat the cow. Don't eat the cow, don't eat the cow. Don't eat the cow, don't eat the cow. Don't eat the cow, don't eat the cow. What you gonna do when the price goes up? What you gonna do when the meat runs out? Just kill those cows. What you gonna do when the price goes up? What you gonna do when the meat runs out? Just kill those cows. Sacred cow, I want you now. I need you in my casserole. India, Australia, the poison just to keep up. Il y a des végétariens parmi vous. Si c'est le cas, eh bien, ça pourrait être leur, votre hymne, votre motto, puisque ce morceau s'appelle « Don't eat the cow », ne mange pas la vache. Ce qui est encore plus amusant, c'est que c'est tiré d'un album qui s'appelle « Jambon gris ». Bon, ça fait pas mal de références à la viande. Ça m'a un peu surpris quand j'ai reçu ce disque. Alors j'ai contacté un peu l'artiste en lui demandant « Tiens, comment ça se fait déjà pourquoi est-ce qu'on appelle son album Jambon gris ?» L'artiste s'appelle Graham Perry. Et alors, l'histoire, c'est que Graham, ça se prononce un peu comme Graham. Et comme il était étudiant, il a étudié le français en partie, Graham, ça veut dire jambon gris. Et il s'est dit, voilà, c'est un titre fantastique pour un album. Donc il a décidé d'appeler son album Jambon gris. Et puis quand je lui ai fait la remarque que ça faisait quand même pas mal de références culinaires et spatiales et de références à la viande, il m'a dit oui, c'est vrai, j'avais jamais fait le lien jusqu'à ce que tout ça se retrouve ensemble. Donc voilà, c'était Don't Eat the Cow par Graham Perry, et c'est donc extrait de cet album qui s'appelle Jambon gris. Il est 17h26 minutes, il est grand temps, on n'est pas en avance aujourd'hui de passer à la découverte de notre album Powerplay. On va laisser la parole aux femmes si vous le voulez bien, puisqu'on n'a encore écouté que des hommes. On écoutera Ashira, on écoutera Inoui. Mais avant cela, place à notre album Powerplay, à l'album de Selena Martin, un album qui a probablement reçu le prix du plus long titre, peut-être pas seulement de l'année, mais au moins de la décennie. L'album s'intitule « I've been picking Carousel's brain, I think I have the information we need to make a new world ». Rien de moins que ça. Ça va être facile, hein. C'est un album qui a mis 3 ans à être développé, à être écrit, à être produit. Ça s'est passé en divers endroits, Toronto, Montréal, Vancouver, Hawaï, Brucefield et Honey Harbor. Et ben moi aussi je fais un lien facile avec la chanson qu'on va écouter, puisque le premier morceau que j'ai extrait de cet album s'intitule justement Hawaï. On y est presque aujourd'hui avec les températures que la météo nous propose en ce moment. On ne va pas s'en plaindre avec la neige qu'on a eue il y a pas plus que d'une dizaine de jours, 10-15 jours. Donc on passe du tout au rien ou du rien au tout. Allez, je vous propose de l'écouter tout de suite parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas spécialement en avance. Premier extrait, c'est notre powerplay. Elle s'appelle Selena Martin. Elle est canadienne, originaire de Toronto. Et on écoute et on part du côté de Hawaï. Powerplay. Powerplay. Hi, this is Selena Martin, the person. And this was Planet Indy, the station. That time I was in Hawaii, smoking marijuana, with Dennis on ukulele, talking about Obama. Back some days, I'm tired of the snow. your quiet as I watch the clouds moving. You burn, you crash, marks into my walls, painting the fading leaves until it falls. Till it falls. We'll be lost and found again. C'est pas loin d'être mon petit chouchou du moment. Elles sont, le groupe s'appelle Inouï. Il est composé de Signe Marik et de Carl Hansen. Carl Hansen. J'imagine qu'elles sont suédoises ou danoises ou de par là. Et le morceau qu'elles nous interprétaient s'intitule Record the Darkness. On continue avec les femmes qui nous font bouger. Bah oui, on aime bien ça aussi. Ashira avec Do or Die. Oui, si elle veut bien partir. Voilà, on n'entend pas Ashira. Où est-ce qu'elle se cache ? Bon, on a un petit problème avec Ashira, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, elle fait la grève ou... on va essayer de la retrouver. Je crois qu'elle ne doit pas être trop loin. Je crois que je l'ai retrouvée. Allez, on a... Petit souci technique, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, on mélange les pinceaux dans les boutons. Allez, Ashira, elle va nous faire bouger avec son morceau Do or Die. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça valait le coup d'attendre. Elle s'appelle Ashira, elle nous interprétait le morceau Do or Die. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur la fréquence de RGL. Enfin, la fréquence, j'aurais plutôt dire les fréquences, puisque vous pouvez nous écouter via les ondes radio, sur le câble télédistribution, via Internet aussi. Et puis, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Internet. Vous tapez Planète Indie dans Google, Planète Indie avec un E à la fin, pas à l'anglaise. Et vous arriverez chez nous. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Facebook, à nous faire part, et bien pourquoi pas, de vos commentaires sur la programmation musicale et puis de toute autre réflexion constructive qui vous passe par la tête. Nous sommes donc le samedi 7 mai 2016, c'est jour de braderie à Chifflange. Peut-être que vous nous écoutez dans la rue. Si c'est le cas, et bien profitez-en bien. On fait un petit coucou aussi à nos collègues qui sont en train d'animer là-bas et de bien vous faire passer un moment agréable. Musicalement parlant, et bien nous on va changer un peu de registre avec Fred W ou Fred W. Il est originaire de Nancy et puis il nous interprète un morceau qui s'appelle Une vie qui s'allonge. Vous allez voir, c'est tout doucement un peu plus calme que les trois nanettes qu'on vient d'entendre. Son regard froncé, le vieux à sa fenêtre voit le temps défiler. Il se souvient peut-être sur le carreau penché. Il parle un peu tout seul. L'écran double vitré à l'ombre du dans un verre de cuisine, il boit deux, trois gorgées d'une boisson concubine que l'absence a posée. Une vie qui s'allonge à ne plus en finir. Il me reste les songes et puis les souvenirs. Une vie qui s'allonge, je voudrais en finir. Me délivrer des songes, retrouver ton sourire. Il observe amusé en boucle ce spectacle agité des écoliers qui passent. Spectateur invisible d'une vie qui commence. Il sait qu'il est la cible de l'ombre qui s'avance. Une vie qui s'allonge à ne plus en finir. Il me reste les songes et puis les souvenirs. Une vie qui s'allonge, je voudrais en finir. Me délivrer des songes, retrouver ton sourire. Ses yeux embués une vie qui défile sur la vitre voilée, un reflet volatile. Une vie qui s'allonge à ne plus en finir. Il me reste les songes et puis les souvenirs. Une vie qui s'allonge, je voudrais en finir. Me délivrer des songes, retrouver ton sourire, me délivrer des songes, retrouver ton sourire. On est en train de planer entre la lounge music, l'expérimental. Le groupe s'appelle Post American. C'est aussi une nouveauté. Et eux, il n'y a que le soir qui les fait vivre. Only Alive in the Evening. 17h50, retour. Il est grand temps sur notre album Powerplay. Je vous ai cité le titre en entier tout à l'heure. Désormais, je vous propose de l'appeler simplement Caruso. Je vous rappelle encore le titre encore une fois. I've been picking Caruso's brain. I think I have the information we need to make A New World, c'est l'album de Selena Martin. On va donc réduire le titre pour les besoins de cette émission à Caruso simplement. Selena Martin, c'est une artiste bien un peu touche-à-tout. Elle va explorer les frontières de la musique pop, du rock, du punk et même de l'expérimental. Vous verrez tout à l'heure. Elle était souvent comparée à des artistes comme Kate Bush ou Björk. Et puis Eh bien, sur ce nouvel album, elle est un peu une pionnière dans le monde post-pop, pourrait-on dire, avec son énergie, mais en même temps ses émotions. Cet album, eh bien, c'est un équilibre presque parfait, on va dire, entre la musique électronique et l'acoustique, entre le contrôle et l'abandon. Je vous propose, après on ira faire un petit tour rapide dans son passé, parce que c'est vrai qu'elle est assez, il n'y a pas beaucoup d'informations à trouver sur elle non plus. Enfin bref, je voulais dire, on ira faire un petit tour dans son passé tout à l'heure. Pour l'heure, eh bien, c'est tout à fait son présent. Le morceau, le second extrait qu'on va écouter ce soir s'intitule The Addicted. Eh bien, faites attention, vous pourriez peut-être vous aussi devenir accro à la musique de Selena Martin. Allez, on l'écoute, c'est notre powerplay aujourd'hui dans l'épisode numéro 372 de Planet Indie. Powerplay. And you're listening to Planet Indie. What you need in me, stupid with your love. I've gone stupid with your love. Apologize 100 times, even when folding my hands. Lie to you, say anything to keep you happy, just to keep you happy. I've gone stupid with your love. Stupid with your love. I've gone stupid with your love. Stupid with your love. I've gone stupid with your love. Stupid with your love. I've gone stupid with your love. Stupid with your love. Stupid with your love. I've gone stupid with your love. I've gone stupid with your love. Oula, on a un petit saut de CD, enfin c'est pas grave, on arrivait de toute façon tout doucement au bout du morceau. C'était Courtney Yasmine avec Stupid With Your Love en version unplugged, parce que oui, on l'a écouté le mois dernier avec un extrait de son album qui s'appelle Red Letter Day. Et en plus de cet album, eh bien, elle a sorti un EP 5 titres avec des morceaux unplugged, et c'est sur celui-là qu'on a été pêcher ce morceau aujourd'hui. Allez, on poursuit en musique avec Black Turtle Dove, qui nous interprète Live It Up, et puis après cela ce sera les Nightbirds avec Calls of Fire, et puis soyons fous, on va un peu réveiller les morts avec le groupe Almost Lost et un morceau qui quant à lui really s'intitule Wake Up. Bah oui, le bien nommé Wake Up. Just take it. If it's too much to carry, you may as well break it and take a little piece and shine it all up. Kick off your shoes and live it up. Live it up. What good are your dreams if you're always awakened? What good is your life if you allow it to be taken? Is it really the truth when it's forsaken? What's so good about the love that you're never making? If you really want it, baby, just take it. If it's too much to carry, you may as well. Bittersweet. never gonna flower. So baby don't cry. Every color's in the rainbow except black and white. Your only son is waiting for you to come outside. Can't sleep at night. C'était donc à l'instant les Nightbirds avec le morceau Coals of Fire. Va suivre Wake Up par Almost Lost. Et comme l'intro est assez longue, j'en profite pour passer en revue la première partie de la programmation de la Rocale, si vous le voulez bien, jusqu'au mois prochain. Alors, ce soir, c'est la nuit de la culture. Vous pouvez assister à une visite guidée de la Rocale et du Rock Lab. Et puis, il y a aussi les 24 heures électroniques. Demain, David Duchovny. Le 9, ce sera les 24 heures Electro for Kids. Le 12 du 5, des concerts éducatifs qui s'appellent Be a Hero. Hear du verbe to hear et pas de hero. Le 13 du 5, l'album release de Red Hills. Le 15 du 5, Max Gazé viendra nous présenter, faire étape dans son Maximilian European Tour. Le 18 du 5, un nouveau release, EP release avec Only Two Sticks. Et le 20 du 5, encore un album release. Bah oui, ça ne s'invente pas. Pour Soulhenge, j'en profite aussi. Je vous signale aussi, pardon, je vous ai annoncé les 24 heures Electro for Kids. Mais c'est déjà sold out, donc si vous n'avez pas de ticket, bah désolé, faudra attendre l'année prochaine. Allez, je laisse la place à Almost Lost et son morceau Wake Up, ils vont un peu nous secouer. Ça ne s'appelle pas Wake Up pour rien. Wake Up qui veut dire réveille-toi. C'était Almost Lost. 18h11, eh bien, retour pour la troisième et dernière fois sur l'album Caruso de notre amie Selena Martin. Quelques étapes dans sa vie. En 1998, elle sort son premier album complet qui s'appelle Space Woman. En 2003, eh bien, elle a, comment on va dire, elle a joint ses forces avec le groupe The Faceless Forces of Bigness. C'est un groupe expérimental. Alors, elle jouait non pas du violon, non pas de la guitare, non pas du piano. Non, elle faisait de la musique avec des verres de vin. Voilà, ça ne s'invente pas quand on vous disait que c'était expérimental. En 2005, second album qui s'appelle Live Drawing Without Instruction. En 2006, elle remet ça avec ses verres de vin puisqu'elle joue du verre de vin, on va dire, sur des arrangements pour des chansons de Claude Debussy pour le groupe The Lamans, qui est un quintet classique puisqu'il y a une basse, une clarinette, un accordéon, une soprano, enfin une chanteuse soprano, et elle était avec ses verres de vin. Bon, on ne dit pas si les verres étaient pleins ou s'ils étaient vides. En 2009, elle a co-composé la musique du film Act of God, un film documentaire de Jennifer Beichwald. En 2010, son troisième album sort, il s'intitule Disaster Fantasies. Et puis, donc, on arrive maintenant, 2013-2015, eh bien, elle travaille sur cet album I Have Been Picking Caruso's Brain, I Think I Have the Information We Need to Make a New World. Et puis, on devrait avoir une tournée européenne. Un site internet, www.selinamartin.com. On l'écoute avec un troisième et dernier extrait, plus court, Bike. Voilà, ça veut dire on va faire un tour à vélo avec Selina Martin. How I play. How I play. Hi, this is Selina Martin from Toronto, Canada, and you're listening to Planet Indie. Thank you. Elle s'appelle Julie Christensen, elle a une voix fantastique et elle chante pour le groupe Stone Cupid, on les écoutait avec Riverside. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de la programmation de ce soir, il nous reste encore deux morceaux à écouter. Le premier, c'est Lars Nelson. On l'écoute avec un extrait donc de son tout nouvel album. Bah oui, il vient de sortir. L'album s'intitule Gold Elevators. Et moi, j'ai extrait pour vous le morceau Ain't Got Your Love. Repassons aussi en vitesse la fin de la programmation de la Rockale. On s'était arrêté le 20 mai avec Soulhenge et son album Release. 21, 22, 23 mai, c'est le live on tour de Hans Zimmer. Si vous n'avez pas de ticket de nouveau, n'y allez pas, c'est pas la peine. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place non plus pour Il Volo le 27. Vous pouvez vous rabattre sur Namika qui vient le 25. Ou alors un autre style, Korn le 31 mai. Le 2 du 6, c'est les Two Cellos. Le 4 du 6, Ladies of Souls. Et puis moi, je vous conseille le 5 du 6, le groupe Pentatonix. Voilà, allez, on retourne à la musique. On écoute Lars Nelson avec Ain't Got Your Love. If I ain't got your love, if I ain't got your love, if I ain't got your love, where it all wrong. Take back the morning in this red sky. I could pretend, but that would be a lie. If I ain't got your love, slip up a jewel from both your hands. Silence is clarity, you may understand. If I ain't got your love, if I ain't got your love, I may as well be out in the rain. Wash away my emotions, be gentlemen of this pain. Back to you, you, you, I'm calling back to you. No time for regrets, I had my fill. Can't move on, cause my heart never will. If I ain't got your love, I'll swim the ocean, I'll tame those waves. Wanna touch your heart and I won't be here. If I ain't got your love, if I ain't got your love, I may as well be out in the rain. Wash away my emotions, you gentlemen of this pain. Calling back to you, you, you, I call it back to you. got your love. I've been nowhere, at all. Well, I've been nowhere, at all. Standing out in the rain, calling out your name. Standing out in the rain, calling out your name. If I ain't got your love. If I ain't got your love. Voilà, quasiment jusqu'au finish, c'était Ain't Got Your Love par Lars Nelson. Voilà, eh bien la programmation de ce soir est tout doucement terminée. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cet épisode numéro 372 de Planète Indie. J'espère que vous serez là pour le 373, ce sera le samedi 4 juin 2016. Cette émission est rediffusée demain dimanche sur cette même fréquence entre 17h et 18h30. Et puis le podcast sera aussi disponible pour vous dès ce soir, normalement si tout va bien, sur notre site internet ainsi que dans notre, sur notre page Google, Facebook. Donc voilà, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On va partir un peu dans les rythmes orientaux pour se quitter avec un maître oriental qui s'appelle Ashwin Batish. Jazz is where is, c'est le nom de ce morceau avec lequel on va se quitter. Je vous retrouve donc, j'espère encore aussi nombreux, le 4 juin pour l'épisode numéro 373 de Planète Indie. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt.